ça c'est certain. J'ai très très peur, mais beaucoup moins que tous les gens. À cette heure de mon bateau ancré profond, naviguer une direction. J'ai très très peur, mais beaucoup moins.